Louange à Dieu, nous nous glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider. Louange à Allah, le maître du trône sublime, qui fit descendre du ciel le livre sur son serviteur et en fit un guide et un avertisseur, un orientateur pour celui qui s'y cramponne. Louange à Allah le majestueux, le très haut, qui a élevé au niveau des étoiles les compagnons du prophète, en a fait un moyen par lequel on trouve son chemin dans l'obscurité. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, le seul et unique méritant d'être adoré, c'est lui. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu et son serviteur, le modèle parfait envoyé aux hommes et aux génies. J'atteste qu'il y a bien le meilleur des adorateurs. Il est bien le meilleur des adorateurs, ainsi que le guide des pieux. Que les prières de Dieu et ses bénédictions soient sur lui, ainsi que sur les membres de sa famille, les purifiés, ses compagnons, les prosternés, et tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler sur la croyance au prophète. Ça ne vient pas de moi, je dis ce que les savants disent au sujet des prophètes et messagers. Moi je suis juste un frère qui fait des rappels, je ne suis ni imam ni savant. La différence entre les prophètes et messagers. Définition du terme prophète et messager. Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le prophète est une personne informée par Dieu, qui puise dans une source divine. Si en plus il est envoyé à ceux qui violent l'ordre de Dieu pour leur transmettre un de ces derniers, il est alors appelé messager. Si en revanche il applique la loi de son prédécesseur et n'est envoyé à personne, il est alors un simple prophète. Source An-Nabuwat, page 255. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce qui est correct, c'est que le messager est celui qui a été envoyé à des gens mécréants, et le prophète est celui qui a été envoyé à des personnes croyantes, à une loi apportée par un prophète antérieur, par les instruire et les gouverner. Pour les instruire et les gouverner. C'est dans ce sens que le Très-Haut a dit: nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs. Sourate 5, verset 44. Le premier prophète est Adam, alayhi salam. Abu Umayma, qu'Allah l'agré, rapporte ainsi avoir posé la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète de Dieu, quel homme a été le premier prophète? C'est Adam, le prophète de Dieu. Adam est un prophète? Oui, un prophète auquel Dieu a parlé. Il a créé de sa main, ensuite il a essoufflé l'âme, puis il lui a dit: Adam, avance. Ô messager de Dieu, quel a été le nombre total des prophètes? Il y a eu 124 315 parmi eux étaient messagers. Source: Silsilat al-Hadith al-Sahiha, point 6, page 359-360, par Cheikh Albani Rahmoullah. Les premiers successeurs de Adam a.s., l'imam Ismail ibn Qatil, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: après le décès de Adam a.s., ce fut son fils Shiv a.s., qui adossa les responsabilités assumées par son père. Certains savants rapportèrent que Shiv a.s. reçut plusieurs livres, tout comme son père, dans lesquels étaient inscrits les interdictions et les recommandations d'Allah. Mais Allah est plus savant sur cela. Qu'un successeur venu après Shiz, a.s., voici ce qui dit l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde sur ce sujet. De son côté, au moment de rendre l'âme, Shiz, a.s., laissa des recommandations à son fils Enoch, qui assuma ses responsabilités après lui. Ce sera ensuite à son fils Kenan de prendre la relève, et à sa mort, et à son fils Mahalalel. Les Perses prétendent que ce dernier régna sur cette province et qu'il fut les premiers à arracher les arbres et à construire les villes et les grandes forteresses. Ils disent aussi qu'il fut le bâtisseur de Babylone et de l'extrême source. Ils disent également qu'il combattit Iblis, qu'Allah le maudisse, et ses lésions, et les chassant de la terre vers les extrémités sur les montagnes et aussi qu'il tua un grand nombre de rebelles parmi les djinns et les démons. Ils disent aussi qu'il portait une grande couronne et que son règne dura 40 ans. À sa mort, ce fut son fils Yéred qui lui succéda et lorsqu'il mourut, il confia les charges à la responsabilité de son fils Enosh, qui n'est autre que Idris. Selon les récits les plus célèbres, et Allah est plus savant. Les sources de El-Bidiyah wa Aniyah. Le premier messager, Noah. Plus tard viendra Noah ibn Lamech ibn Mutashalah ibn Idris alayhi salam. L'imam Abu Hatim ibn Haban, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte aussi que Abu Umama radiallahu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de temps s'était écoulé entre Adam et Noé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit 10 siècles. Source Sahih ibn Haban. Et l'imam Abdullah ibn al-Hambaz, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, précisa qu'il y a eu 10 siècles entre Adam et Noé. Et tout furent conformes à l'islam, rapporté par Bukhari. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'intersection lors du jugement dernier. Les gens iront chez Adam pour lui demander d'intercéder à leur faveur auprès de Dieu, Mais celui qui s'exaucera en leur disant allez chez Noé, le premier envoyé de Dieu, rapporté par Abu Hari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier prophète à avoir été nommé messager fut Noah. Source Silsilat al-Hadith al-Sahiha, numéro 1289, par Cheikh Albani. Tout messager est prophète, mais pas forcément l'inverse. Le prophète est aussi messager s'il a reçu de Dieu un ensemble de prescriptions qui est nouveau. Soit que cet ensemble de prescriptions soit nouveau par rapport à l'humanité tout court, suffit le cas de Abraham, Moïse et Jésus alayhi salatu wa salam et de Mohammed sallallahu alayhi salatu wa salam. Soit qu'il soit nouveau par rapport au peuple vers lequel ce prophète est dépêché. Ce fut le cas d'Ismaïl, alayhi salam, dans Dieu qu'il était, Rasulan, Nabiyan. Les prescriptions que Ismaïl a apportées aux habitants de l'Arabie n'étaient pas nouvelles, dans l'absolu, mais étaient constituées de ce que son père Abraham, alayhi salam, avait apporté. Cependant, ces prescriptions étaient nouvelles par rapport aux habitants de l'Arabie après dit qu'il était messager de Dieu. Voilà. Mes frères et sœurs, nous demandons à Allah de nous pardonner nos erreurs et nos négligences, et Allah est plus savant. Voilà, pour la prochaine partie, c'est quelques biographies sur les prophètes, sur la croyance des prophètes. Voilà, c'est un très très très bon bouquin qui nous parle bien des prophètes, la croyance sur eux, un peu leurs histoires, leurs sources. Qu'est-ce que c'est vraiment le messager? Parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Mais voilà, qu'Allah nous pardonne pour les choses mauvaises que j'ai dit aussi. Je me suis mal fait comprendre par mon expression, si elle était mal. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éloigne des innovateurs et tout ce qui est mauvais. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.